Ouais, le gamin me demande. Alors, ouais. Pourquoi t'adores tellement les flingues avec tous les meurtres et les accidents que ça cause? Je lui explique, écoute, à l'âge de 15 ans, j'avais une grosse chaîne Gucci avec une tête de Nefertiti en or dans le cou. Et tout d'un coup, dans les buissons, il y a trois vieux Jamaïcains qui sortent. Putain, avec un pompeux et une braque. À partir de ce moment, putain, j'ai appelé mes connexions et je me suis acheté un 38. Je suis retourné dans leur four et je les ai tous allumés. J'aime les revolvers, j'aime les calicots, j'aime les automatiques, j'aime les bazookas. J'ai un petit revolver 22 dans mes bas. J'aime les gros putain de 12 pompeux. J'aime les 38, j'aime les Beretta, j'aime les 357 années long argenté. Le roi Enoch collectionne toutes sortes de flingues. Le roi Enoch achète des boîtes de flingues. Le roi Enoch les distribue depuis Queensbridge. Le roi Enoch là depuis 94. Ces négros sont jaloux alors je pack Tupac, le gros putain de Magnum long. J'ai vu la collection de putain de Zoukou, je suis devenu fou. Il est en compétition avec moi maintenant. J'achète les fusils avec des silencieux. Même mes carabines avaient des silencieux dans le temps. Putain, avant que les putains confisquent la plupart de mes flingues. Même s'ils sont rouillés, on achète les flingues. Même s'ils sont tronçonnés, on achète les pompeux. Même s'ils sont sales, on achète les revolvers à canon. Putain. NRM, NRA, NP. Oui, le roi, y'a des STG 44, STG 45, HK, G3, Peupon, G3, Beau Magnum. Avec ça, ça touche 20 tomes, c'est juste le commencement, c'est juste le premier tome. HW457, Hunter. On n'est plus des rappeurs en français, ça veut dire chasseur. P22, touche à mon pénis, on aime les canons lisses. Si j'étais sur place, y'aurait moins de morts à Nice. P22, touche à mon pénis, on aime les canons lisses. Si j'étais sur place, y'aurait moins de morts à Nice. NRM, NRA. Même s'ils sont rouillés, on achète les flingues. Même s'ils sont tronçonnés, on achète des pompeux. Même s'ils sont sales, on achète des revolvers à canon. Hey. NRM, NRA, c'est rempli de foufous, c'est des rats. On organise une purge de pédos juste avec même le roi. Même s'ils sont rouillés, on achète les flingues. Même s'ils sont tronçonnés, on achète des pompeux. Même s'ils sont sales, on achète les revolvers à canon. Hein? Combien tu veux? Je prends les trois morceaux. Mais donne-moi le 357 là, celui à Nélon là. Hein? Celui-là? Vas-y, prends les trois.